Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Et oui, chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer donc ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales. Et comme chaque semaine, en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Eh bien Francine, nous allons innover cette semaine parce que je te propose un blind test. Aïe aïe aïe. Et oui, l'occasion de revenir sur les grands succès de chansons qui ont pour origine au départ d'être la BO d'un film à succès. Alors Francine, prête pour le blind test ? On va essayer. Alors à tout de suite et restez fidèles, n'oubliez pas, à Radio Fadjet. Alors donc, nos auditeurs vont pouvoir jouer en même temps que toi, Francine. Hein. Donc je vais te passer un court extrait donc, à chaque fois donc, d'une bande originale. Et puis ensuite, j'évoquerai quelques anecdotes concernant ce film. Et puis on écoutera à nouveau donc, la bande originale qui a été sélectionnée. Alors ça, on va commencer par un premier titre qui est donc assez facile. On va écouter quelques secondes de cet extrait d'une bande originale donc très très connue. Voilà, quelques paroles. Donc, j'espère que Francine, tu as reconnu donc, la bande originale de ce film. Tout à fait, c'est Skyfall. Skyfall. Et alors, tu vois, est-ce que tu te souviens de l'interprète ? C'est donc Adele, hein, Adele, Skyfall. Fait, oui. Alors, la chanson a été effectivement interprétée par Adele. C'est vendue à plus de 7 millions d'exemplaires, couronnée par l'Oscar de la meilleure chanson originale en 2013. Daniel Craig a tellement été emballé par la musique qu'il a même fait une drôle de confession en disant « j'ai pleuré ». Et oui, il a beau être l'interprète du plus grand héros de cinéma, cela ne l'empêche pas d'avoir un petit cœur. Alors, ce film rencontra un immense succès au box-office mondial, dépassant le milliard de recettes. Ce qui est en fait donc le plus rentable de tous les James Bond. Alors on retrouve tout de suite donc Skyfall, Adele. I'm Voilà, c'était donc Adèle pour la bande originale du film Skyfall. Alors, on passait maintenant à un deuxième extrait, donc Francine. Je pense que tu vas le retrouver assez facilement, du moins tu vas trouver assez facilement l'interprète. J'ai le cœur comme une éponge spéciale pour filles en pleurs. Heureusement, oui, c'est Renaud. Alors, Renaud, alors. Chez moi, j'habite chez une copine. Voilà, c'est ça, en effet. Donc, Francine, c'est donc « Viens chez moi, j'habite chez une copine », un film de 1981, un film de Patrice Lecomte. Est-ce que tu te souviens des interprètes de ce film ? Il y a Michel Blanc, hein, oui. Déjà, et puis... Alors, le deuxième... Des gens de l'équipe du Splendide. Alors, il y a Bernard Giraudot. Qui joue, donc je me souviens plus. J'étais fan de Bernard Giraudot. Voilà, donc alors, ça raconte, tu te souviens, l'histoire de Guy, Michel Blanc, un véritable loser dans le film. Oui, qui, suite à une bourde, est renvoyé de son travail et de son domicile par la donc, même occasion. Et sans logement, il décide d'aller habiter quelques jours chez Daniel, interprété donc par Bernard Giraudot. Alors, Patrice Lecomte et Michel Blanc ont tourné dans un grand nombre de films ensemble. Là, il y a eu Les Bronzés en 78, Les Bronzés font du ski en 79, donc réalisé avec l'équipe du Splendide. Ma femme s'appelle Revient en 82, puis Circuler, il n'y a rien à voir, Monsieur Hir en 89, et enfin Les Grands-Ducs. Allez, on retrouve Renaud avec Viens chez moi, j'habite chez une copine. J'ai le cœur comme une éponge spéciale pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut, ça va ? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Je glande un peu partout avec mon sac de couchage. Je suis dans tous les coups foireux, tous les naufrages. J'ai des potes qui ont de l'argent, ben ils travaillent, c'est normal. Moi mon métier c'est feignant, hey mec t'as pas 100 balles. J'ai des plans, des combines pour vivre comme un pacha. Hey viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. J'étais étudiant, chômeur, babysitter. Quand je pense que mes parents voulaient que je sois docteur. Parfois quand j'ai du blé, je flambe comme un malade. Pognon, je l'ai pas gagné, mais non, mon métier c'est minable. Waouh, super la routine, hey salut ça va ? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine. J'ai mon matelas dans la cuisine. Alors tu viens si tu veux. Tranquille. Allez viens. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Allez, viens la frangine. Allez viens. Non ? Ah bon, d'accord. Voilà, c'était Renaud, viens chez moi, j'habite chez une commune. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est la boîte à BO. Et cette semaine, c'est un blind test avec Francine. Et puis, j'invite aussi les auditeurs à y participer. Donc, l'occasion de découvrir des grandes chansons qui, au départ, étaient donc la BO donc, d'un film à succès. Alors, passons à notre troisième extrait, Francine. C'est parti. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Ah, c'est un peu plus compliqué, là. Là, je vois, mais j'arrive pas à retrouver. Non, tu ne retrouves pas l'interprète. Alors, c'est le groupe Queen. Ah, mais oui, oui, oh, le groupe là, Queen. Bah, oui, je pensais que tu connaissais. Oui. Avec... Ah, forcément que je connaissais. Bah, bien sûr, oui. Donc, bien de Rhapsody, je suis fan. Voilà, tu es une grande fan de ce film. Alors, cette chanson, donc, c'est The Kind of Magic. Alors, c'est un film donc, que tu connais également, Highlander. Oui, bah oui. Hein, donc cette chanson écrite par Roger Taylor. Mais donc, je ne suis pas fan. Ah oui, donc, et donc extraite de l'album du même nom, qui constitue en grande partie la bande originale donc, d'Highlander de Russell Mulcahy. Alors, pour te rattraper, Francine, l'interprète masculin de ce film, tu te souviens ? C'est c'est Christophe Lambert, hein, qui prononce justement Kind of Magic dans le film Un tour de magie dans la version française. Alors, cette phrase a tellement impressionné Taylor qu'il en a écrit une chanson avec des paroles faisant souvent référence au film. Alors Christophe Lambert est revenu récemment sur sa rencontre avec Freddie Mercury en précisant qu'au départ Queen ne devait signer que la chanson d'ouverture de film, mais ils ont tellement aimé le film qu'ils ont décidé de faire toute la BO. Alors on retrouve tout de suite Queen, A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors of time. It's a Voilà, c'était un extrait de la BO du film Highlander de Russell Mulcahy, interprété donc par Queen, A Kind of Magic. Passons maintenant à notre quatrième extrait, donc dans ce blind test consacré au grand succès de la chanson, qui au départ était une BO de film. On écoute ce quatrième extrait. C'est Bonnie Tyler ? Non, presque. Bah, pas tout à fait Bonnie Tyler. Ah, Tina Turner. Yes. Tina Turner, oui. Alors, Tina Turner, pour un film, je ne sais pas si tu t'en souviens, alors, c'est le film Mad Max. Ouh, alors ça, j'étais pas très fan de ce genre de choses. Ah oui, c'était le troisième Mad Max, donc au-delà du dôme, avec donc, bien sûr Mel Gibson. C'est le titre et l'un des plus gros succès de Tina Turner, atteignant la première place dans de nombreux pays. Alors on retrouve Tina Turner pour la bande originale de Mad Max, au-delà du dôme, hein, du tonnerre. Voilà le plus gros succès mondial pour Tina Turner pour cette BO au départ de Mad Max, donc au-delà du dôme du tonnerre, un film de 1985. Allez, on passe à un autre extrait, là aussi très très connu, on écoute. « C'est Madonna. Ah, Madonna, Madonna, bien sûr, avec Into the Groove pour le film Recherche Suzanne désespérément. De Suzanne Sedelman. Alors, premier grand rôle au cinéma pour Madonna. Elle a été choisie pour donner la réplique à Rosanna Arquette dans ce film de Suzanne Sedelman, qui s'amuse du contraste entre le côté donc, sage de l'une et celui un peu dévergondé de l'autre. Alors, gros succès pour ce single numéro 1 au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie et numéro 2 en France, où c'est pour le moment le plus gros succès de la chanteuse, avec donc le premier disque d'or de Madonna, avec près de 500 000 ventes. Allez, on retrouve tout de suite Madonna avec Into the Groove. And you can dance. Voilà, c'était Madonna, Into the Groove, donc un extrait donc, de la bande originale du film Recherche Suzanne désespérément. Allez, on termine par un dernier grand succès. Je pense que tu vas connaître sans souci la musique du film. Plus difficile peut-être de retrouver le nom de l'interprète. On y va, c'est parti Francine. Ah oui, c'est Rocky. Rocky. Rocky, Rocky. Alors, je ne sais pas si tu te souviens du nom de l'interprète. C'est le groupe Survivor. Voilà, on se souvient effectivement plus du film Rocky que du nom de l'interprète. Alors, commandé spécialement par Sylvester Stallone au groupe de rock pour le troisième volet de la saga, le titre utilisé en ouverture du film devient le plus gros succès de l'année 1982 et en même temps le plus gros succès pour le groupe Survivor. Allez, Eyes of the Tiger. You change. Voilà, c'était donc un extrait de la BO du film Rocky 3, le groupe Survivor, Eyes of the Tiger. Et bien voilà, ainsi s'achève ce numéro spécial de la boîte à BO, donc spécial Blind Test. Bah, finalement, Francine, tu t'en es bien sortie. Ça va. Alors j'espère que vous avez pris plaisir de découvrir ou de réécouter certaines musiques de films. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et pourquoi pas de nous laisser vos BO coup de cœur. Et bien Francine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèles à Radio Fadjet.